on en aurait fait de mauvais enfants de toutes. Façon des belles tortures qui voisins sont morts. On n'a pas soigné les gens sur la vallée, les membres possibles, j'ai poussé pour creux dans la bouche sur tout ce qui les a sortis. Ils auraient été collants, des larves, mal appris, mal avancés, sortis de ventre, de bonne mère, de bonne mère, de bonne mère, de bonne mère, c'est fini. Les champs de creux ont juste on en aurait fait de mauvais enfants de toute façon des feuilles d'or sur le chemin informe. On en aurait fait de mauvais enfants de toute façon. On en aurait fait de mauvais enfants de toute façon. La scène ancienne revient de l'eau, image diluée. Peur à la surface, une tête ouverte, la fin et le début. Même mouvement panique des mots pour le malaise. Transe à tenir raide, ce mal au ventre d'accoucheur. J'accouche mon mal formé, moi mère, sans ventre, accouche rien et nulle part, ça sent le marais. On finit par s'y faire. La mère sans tête qui accouche de son, sans coup, lèvres vides à ne rien dire, rien. De valables les mots si petits en nombre. Et ce petit nombre de petits mots à ma bouche ne suffisent pas, les phrases mal prononcées sont croches, tant distordues, ma bouche incube. Ma bouche de petit ventre à couche atroce ne peut rien dire, en fait un drame, la mauvaise mère, la mère atroce de pas de mots, espère. Petite bouche trop petite, femme de marais.